L'entracte du deuxième acte de la légende de la ville invisible de Kitej de Rimsky-Korsakov, interprété par l'orchestre, bien sûr, de Boston, dirigé par Serge Koussevitzky. Nous allons terminer cette journée, cette émission, avec Serge Prokofiev. Il s'agit de deux extraits, Scherzo et Marche, de L'amour des trois oranges, un enregistrement réalisé le 22 avril 1929.